C'était en l'année 1793. Je n'avais que 7 ans, mais une circonstance que je vais rapporter me rappelle que nous étions en hiver, et la scène qui eut lieu m'est aussi présente à l'esprit que si elle s'était passée ce matin. Ma mère et ma tante, sa sœur Marie-Louise de Lanaudière, causaient assises près d'une table. Mon père venait de recevoir son journal, et elle l'interrogeait des yeux avec anxiété, car il n'avait depuis longtemps que de bien tristes nouvelles de France. Mon père bondit tout à coup sur sa chaise. Ses grands yeux lancèrent des flammes. Une affreuse pâleur se répandit sur son visage, d'ordinaire si coloré, et il se prit la tête à deux mains en s'écriant « Ah, les infâmes, ils ont guillotiné leur roi !» Ma mère et sa sœur éclatèrent en sanglots, et je voyais leurs larmes fondre l'épais frimas des vitres des deux fenêtres, où elles restèrent longtemps, la tête appuyée. Dès ce jour, je compris les horreurs de la Révolution française. À cette nouvelle, un sentiment de profonde tristesse s'empare de toutes les âmes sensibles du Bas-Canada. Et à l'exception de quelques démocrates quand même, la douleur fut générale. Il y a un anniversaire important en France cet été, savez-vous lequel? Non, vraiment pas. Non, j'en ai aucune idée. La Révolution française, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Le 14 juillet? Non. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel, non, oui. C'est l'anniversaire de ma mère, en premier. C'est bizarre, ça appelle des Français. La prise de Bastille, J'essaie de mettre un gros satellite. Et est-ce que vous pensez que ça a pu avoir à cette époque-là une influence sur le Québec? Oui, ça a eu une influence parce que le Québec, à ce moment-là, qui était encore très religieux, s'est coupé de la métropole. Puis ça a eu comme effet de faire une coupure. Qu'est-ce que ça vous dit, la Révolution française? L'histoire un peu m'échappe parce que moi je suis Québécois pur de lait. Descendance belge, il faut, mais. Ever must be isolated in the midst. Of an Anglo-Saxon, which must be given to Lower Canada. The French Canadian, on the other hand, but the remains of an ancient colonization. The French Canadian, Anglo-Saxon, ever must be isolated in the midst of an Anglo-Saxon world. They are a people with no history, no literature. The literature of England is written in a language which is not theirs, and the only literature which their language renders familiar to them is that of a nation from which they have been separated by 80 years of foreign rule, and still ruled by those changes which the revolution and its consequences have wrought in the whole political and moral structure of France, of the provinces under the old regime. Révolution sacrilège. Il n'y a pas d'excès en ce genre qui ait été à son épreuve. Les lieux de piété proscrits, les monuments de la religion mis en pièces, les prêtres égorgés auprès des autels qu'ils voulaient défendre, le culte divin anéanti. Les saints mystères, les révolutions par ici, l'empire religieux le plus précieux est devenu à ses yeux un objet de haine implacable. Et quoi ? N'était-ce pas assez de l'avoir mis au sein de ses sujets par une constitution aussi illégale et bizarre dans sa forme que monstrueuse dans ses principes ? Fallait-il encore l'arracher avec violence, modération, balayer des mois ses inspects, le garder à vue aux Tuileries, l'emprisonner au temple, lui faire son procès comme chef, prisonnier d'État, donne au peuple, lui par les raisonnables, le décalage de l'administration violente, légère. Elle s'est toujours montrée en Canada, au roi, au mont Britannique, Ça avait donné une tendance à couper les liens parce que la religion catholique était très prégnante ici, a éprouvé le besoin de protéger sa population. Le Québec, à ce moment-là, qui était encore très religieux, s'est coupé de la métropole. Puis là, il a été abandonné aussi par la métropole qui avait d'autres chefs fouettés. Alors le Québec s'est retrouvé isolé. They are mild and kind. honest, very sociable, cheerful and hospitable. The conquest has changed them but little. The higher classes and the inhabitants of the towns have adopted some English customs and feelings, but the continued negligence of the British government left the mass of the people without any of the institutions which would have elevated them in freedom and civilization. C'est le renversement de la monarchie pour la prise de pouvoir par le peuple. C'est les citoyens qui ont voulu avoir leurs droits. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. En ce jour du 28 février 1838, au nom du peuple du Bas-Canada, déclarons solennellement qu'à compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est absous de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que toute connexion politique entre cette puissance et le Bas-Canada cesse dès ce jour. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les mêmes droits. Les sauvages cesseront d'être sujets à aucune disqualification civile quelconque et jouiront des mêmes droits que les autres citoyens de l'État du Bas-Canada. Que toute union entre l'Église et l'État est déclarée abolie et toute personne a le droit d'exercer librement la religion et la croyance que lui dicte sa conscience. Il y aura liberté pleine et entière de la presse dans toutes les matières et affaires publiques. Que le Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant de fait républicain. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence ici, cette révolution-là? Je penserais pas. Non. C'était trop loin? Non, vu que nous autres, on a tous été les bandits de la France. Ils nous ont tous envoyé leur prostituée. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose à cause que... I entertain no doubts as to the national character which must be given to Lower Canada. It must be that of the British Empire, that of the majority of the population of British America, that of the great race which must, in the lapse of no long period of time, be predominant over the whole North American continent. Déjà que les Français nous avaient laissé tomber.